Chapitre 7e, au poteau du supplice. L'aube emplissait déjà la forêt de sa lueur blême, que Buffalo Bill et sa petite troupe étaient encore assez loin des roches du mauvais esprit. Le vieil Enfield, le père d'Alice, chevauchait à côté de Buffalo Bill. Comme toujours, il avait l'air mécontent et sombre, et de temps en temps, il murmurait une imprécation dans sa barbe. « Qu'est-ce qu'il y a, Enfield ? » demanda Buffalo Bill. « De quoi ou de qui vous plaignez-vous »« Je vais vous le dire, Cody, » répondit-il. « Toutes ces fatigues et tous ces combats que nous avons eu à soutenir depuis hier soir n'auraient pas été nécessaires si Alana avait été plus prudente. Que dis-je ? Prudente, sincère, serait un terme plus juste. « Vous suspectez la sincérité de la reine des Ogalala ?» dit Buffalo Bill. « Je crois cependant que nous avons assez de motifs d'être reconnaissants à la squaw blanche. « Pensez-vous ? » reprit Enfield. Puisque Corters avait laissé Alice entre ses mains, pourquoi l'a-t-elle renvoyée à ce coquin en ne nous en prévenant que par un messager parti tardivement et qui ne nous a rattrapés qu'auprès de l'île des ours pour nous faire cette belle commission lorsqu'il n'était plus temps ? Parce qu'elle était obligée par sa parole, liée par son serment, ainsi qu'elle expliquait dans son message. « Dieu me donne, un serment que j'ai prêté à un coquin n'a pas de valeur pour moi. » Là-dessus, nos manières de voir diffèrent. Reprit Buffalo Bill en haussant les épaules. « Je tiendrai mon serment même vis-à-vis d'un Corters. Voyons, la main sur le cœur, Enfield. Il y a quelque chose entre vous et Alana que je ne peux saisir et comprendre pour le moment. Vous semblez être mal intentionnés mutuellement. Voulez-vous m'initier à votre secret ? Ce serait une bonne chose pour tout le monde que j'y vise clair. » Enfield ne répondit pas sur le champ. Il continua pendant quelques minutes à marcher près de Buffalo Bill en silence, plongé dans ses réflexions. Tout à coup, il s'écria d'une voix sourde « Pourquoi ne vous confierai-je pas mon secret ? Ce n'est pas grand-chose, mais du moins vous verrez clairement pourquoi je ne suis pas particulièrement entiché d'Alana et pourquoi elle fut si fort alarmée lorsque j'apparus tout à coup devant elle dans son camp. » Il se tut encore quelques minutes, comme s'il recueillait ses pensées. Puis il commença à parler, beaucoup plus comme s'il se parlait à lui-même que comme s'il s'adressait à Buffalo Bill, lequel d'ailleurs l'écoutait l'oreille tendue avec la plus grande attention. « Vous rappelez-vous, » commença Enfield, « qu'il y a environ 16 ans, un grand convoi d'émigrants traversa la rivière Platte. Ces gens cherchaient de nouveaux foyers, ils voulaient s'établir dans le Far West, mais c'était à la mort qu'ils allaient. À peine avaient-ils laissé la rivière derrière eux, que de la forêt prochaine les Sioux s'élancèrent, et en une telle masse que les émigrants ne furent pas en état de leur opposer une résistance sérieuse. Les Diables Rouges se livrèrent à une épouvantable boucherie, à laquelle 3 personnes seulement échappèrent, un homme et 2 femmes. L'homme n'avait que des blessures sans importance. Le tomahawk d'un Sioux lui avait bien frappé la tête, mais sans le blesser mortellement. Les 2 femmes... L'une était l'épouse de l'homme blessé, l'autre était la sœur de la première et avait eu son mari tué, lui aussi, par les Sioux. Lorsque ces 3 personnes eurent atteint l'agence indienne, les 2 sœurs furent délivrées presque en même temps d'un enfant. « Maintenant j'irai vite. L'homme, c'était moi. » Enfield souleva son chapeau et Buffalo Bill vit une profonde cicatrice qui lui labourait la moitié du crâne. « La femme dont le mari avait été tué, ma belle-sœur, continua Enfield, était belle et jeune. Elle trouva facilement à se tirer d'affaire. Mais un beau jour, elle disparut sans laisser de traces. Quelques années plus tard, ma femme mourut. Je n'avais plus entendu parler de sa sœur, et à la vérité, je ne m'en inquiétais point, car elle m'avait toujours paru avoir une nature d'aventurière. Maintenant, je sais ce qu'elle est devenue. Je l'ai reconnue la première fois que je me suis trouvé en présence d'Alana, la reine des Ogalala. Je veux qu'on me coupe la tête si ce n'est pas ma belle-sœur Marie. « Et maintenant, vous savez, Buffalo Bill, pourquoi Alana s'est montrée si troublée lorsqu'elle m'a revue. Elle craignait que je n'eusse l'idée de raconter aux Ogalala ce qu'elle avait été jadis, ce qui lui aurait fait perdre son prestige parmi les peaux rouges. Et où est l'enfant d'Alana? Vous m'avez raconté qu'elle aussi avait donné le jour à un enfant. Il est mort la nuit de sa naissance, » répondit le vieil homme en se passant la main d'un geste continu dans sa chevelure grise. Buffalo Bill avait appris ce qu'il voulait savoir. Il dit à ses compagnons d'accélérer leur trot, et ils marchèrent encore pendant 3 heures avant de l'entendre annoncer enfin. « Là-bas se dressent les roches du mauvais esprit. C'est entre ces énormes roches que les Cheyennes ont établi leur campement. Il s'agit d'en approcher sans se faire boire et sans être attaqué. Buffalo Bill fit faire un détour à sa petite troupe et, prenant les roches à revers, il l'introduisit dans une sorte de défilé que des rocs surplombants masquaient à la vue des Cheyennes. Ceux-ci, d'ailleurs, ne redoutant aucune attaque, avaient dressé leur camp dans un large espace découvert et ne se gardaient que négligemment. Lorsque les cavaliers de Ruby Creek eurent fait halte, Buffalo Bill déclara qu'il monterait sur les sommets d'où il pourrait, sans être vu lui-même, voir le camp indien, pour s'assurer de la force des ennemis à qui ils avaient affaire et si Alice et Lottie étaient déjà arrivés avec Jack Carter et Hankins. Le sentier qui conduisait jusqu'au haut de la roche était extraordinairement difficile. Il était si abrupt par place que Buffalo Bill devait s'accrocher aux anfractuosités pour éviter une chute mortelle. Mais le hardi chasseur du Kansas surmonta ses difficultés, et au bout de 10 minutes d'efforts attentifs, il était au sommet. Un arbrisseau buissonneux, qui avait, on ne pouvait s'expliquer comment, noué la ses racines, lui fournit l'abri nécessaire pour examiner sans grande inquiétude le campement des Cheyennes. Il eut un sentiment d'effroi lorsqu'il vit la grande quantité de tentes et de gens qui se trouvaient au-dessous de lui. Il évalua le nombre des Cheyennes à environ 900, dont 500 au moins étaient des guerriers valides. Pouvait-il risquer sa poignée d'hommes dans une lutte avec un tel adversaire? Il n'y avait point à compter sur l'adresse. Quelque favorisé qu'il fût par la chance, il ne pourrait jamais remporter finalement la victoire. Pendant qu'il était ainsi hésitant, il remarqua une grande agitation dans le campement. Les Diables Rouges devaient célébrer quelque fête, car ils s'étaient peints d'une façon particulièrement soignée. Tout le monde sortait des tentes, de sorte que c'était un grouillement d'hommes, de femmes et d'enfants. Puis on dressa deux poteaux, et au son de chants perçants et lugubres, les guerriers Cheyennes se mirent à danser autour. Buffalo Bill connaissait trop bien les us et coutumes des Indiens pour ne pas aussitôt pressentir qu'un spectacle affreux allait lui être offert. Évidemment, les Cheyennes avaient fait des prisonniers qu'ils se préparaient à attacher aux poteaux du supplice. Buffalo Bill savait que ces malheureux prisonniers commenceraient par être percés de lances, criblés de flèches, hachés à coups de tomahawk, et qu'à la fin, comme conclusion de ces cruels et lugubres jeux, on amoncellerait autour des victimes des broussailles et du bois, auxquels on mettrait le feu pour que ces pitoyables créatures finissent misérablement sur un bûcher. Cependant, les Cheyennes suspendirent leur danse, et les sons sinistres d'une sorte de tambour montèrent jusqu'à Buffalo Bill. Le chef des Cheyennes, Buffalo Bill le reconnut, il s'appelait le Grand Serpent, jeta quelques paroles de commandement à la foule, et aussitôt 10 guerriers se dirigèrent vers une tente dont le rideau était resté jusqu'ici soigneusement fermé. « Ah !» se dit Buffalo Bill, « ils vont chercher les prisonniers, on va les conduire au poteau. » Cette pensée donna un frisson à cet homme intrépide, mais il chancela lorsqu'il vit les victimes que, malgré leurs efforts désespérés pour échapper à leurs bourreaux, les Indiens entraînaient hors de la tente. C'était Alice et Lottie. Derrière elles, on apercevait Jack Carter et Hankins. « Les misérables !» s'écria Buffalo Bill. « C'était donc cela. On va tuer ces pauvres femmes. Non, non, je devine les projets de ces bêtes rouges, ou plutôt les plans sinistres de Jack Carter et de Hankins. » Alice et Lottie seront menées au poteau du supplice pour les intimider, les faire tomber volontairement dans les bras de leur ravisseur et leur faire regarder comme une faveur de leur appartenir. Et je laisserai faire cela? Non, quand ils devraient ne plus jamais m'être donné de revenir à ma paisible ferme sur le Ruby Creek. Je me jette en travers des Diables Rouges et brouille leurs calculs et je sauverai Alice et Lottie ou périrai avec elles. Aussitôt, Buffalo Bill imita le cri d'un oiseau, ce qui était un signal convenu entre lui et ses compagnons. Ceux-ci, en l'entendant, surent qu'il fallait le rejoindre immédiatement. Sans peur, ils gravirent le même sentier que Buffalo Bill avait suivi, et lorsqu'ils furent en haut, ils virent avec horreur le spectacle qui se déployait dans la vallée. Tom Towners était si désolé qu'on eut peine à l'empêcher de sauter en bas du rocher. Enfield, de son côté, restait comme frappé du tonnerre en voyant quel sort attendait sa fille. « Maintenant, mes amis, il s'agit de mourir en héros. Préparez vos armes, et dans l'instant même où je tirerai, suivez mon exemple. » En bas, tout était redevenu calme. Les deux blanches étaient debout au poteau du supplice, auxquels on les avait attachés par les mains. Tout à côté d'Alice se tenait Jack Quarters, et Hankins avait pris sa place près de Lottie. Les hommes de Ruby Creek, au haut de leur rocher, distinguaient nettement chaque mot prononcé au-dessous d'eux. Ils entendirent le grand serpent dire en mauvais anglais « Squaw Blanche, êtes-vous prête à faire de nos amis vos hommes ? Alors nous célébrerons les noces, tout de suite, et vous suivrez vos hommes dans leur wigwam. » « Décidez-vous, Alice, » dit Jack Quarters. « Vous savez que je vous aime, oui, que je vous adore de toute la flamme de mon cœur, et je vous jure. » « Ne jurez pas, Jack Quarters, » interrompit Alice. « Vous ne feriez qu'un faux serment de plus, car chaque mot qui tombe de vos lèvres est un vil mensonge. Je vous fais aujourd'hui la même réponse que je vous ai faite une fois dans le magasin de mon père. Je vous méprise, et jamais je ne serai votre femme, jamais. » « Vous prononcez votre arrêt de mort, Alice, » s'écria Quarters. « Réfléchissez, c'est la torture par les mains des Cheyennes. Je ne tremblerai pas devant la mort, » répliqua Alice en rejetant fièrement la tête en arrière. « Je saurai mourir. » « Et vous, Lottie, » dit à son tour Hankins, « voulez-vous être à moi ? Il faut espérer que votre sein ne recèle pas un esprit aussi fier que celui de votre ami. « Je partagerai le sort d'Alice, » répondit Lottie. « Mais à vous, Hankins, je crie, vous vous vantez d'être chrétien, et pourtant vous violez une des lois que Dieu nous a données pour y conformer notre vie. Tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Ainsi est-il écrit, or je suis la femme d'un autre, et j'aime mon époux autant que je vous hais. » Là-haut, Tom Towners tombait, sanglotant sur le rocher, en entendant cette réponse de sa femme chérie. La voix du grand serpent s'éleva. « Les femmes blanches ont choisi, c'est bien. » « Maintenant mes braves guerriers rouges peuvent venir et leur envoyer au cœur, au lieu de l'amour, le fer mortel. » Aussitôt s'avancèrent 12 indiens armés de lances. Lottie ferma les yeux. Le frisson de la mort prochaine courut dans ses membres délicats et gracieux. Alice regardait d'un air d'orgueil et de défi les terribles Cheyennes. Un sourire de mépris se jouait sur ses lèvres. « En joue, » commanda Buffalo Bill à voix basse, « que chacun vit son homme. » « Nous sommes 12 ici, ils sont aussi 12 en bas, sans parler des autres, le compte est juste. » Dans le camp, le son lugubre du tambour se fit entendre de nouveau, les femmes se rapprochèrent, curieuses, pour mieux voir le visage des victimes et se repaître de leur torture. Les 12 indiens levèrent leurs lances, les brandissant avant le coup fatal. « Feu !» commanda Buffalo Bill. Au même moment, on entendit 12 détonations, 12 balles sifflèrent d'en haut et chacune frappa un homme. Les 12 peaux rouges qui devaient procéder au supplice tombèrent ensemble sous le feu destructeur des hommes de Ruby Creek. « Nous ne pouvions pas désirer mieux, » dit Buffalo Bill. « Maintenant, continuons. Il ne faut pas les laisser revenir de leur surprise. Feu à volonté, mais toujours dans le plus épais du tas. De cette façon, nous leur donnerons mieux le change sur notre compte. » Derrière le buisson, sur la roche, les coups de feu crépitaient rapides et justes, et au-dessous, dans le campement des Cheyennes, régnait l'épouvante, car la mort et la destruction frappaient comme la foudre du ciel dans les rangs des Indiens.